chapitre 48e, conclusion. On se rappelle que Mrs. Clavering s'était chargée de faire à M. Saul la communication qui était devenue nécessaire avant qu'on pût le recevoir à la maison comme le futur recteur et le futur gendre de M. Clavering. La femme du recteur trouvait sa tâche entourée d'innombrables difficultés. Le recteur lui-même ne voulait à aucun prix s'en charger. C'était bien assez qu'il eût consenti à porter à Lady Clavering le triste message qu'on lui sait. On ne pouvait guère prier Harry d'aller trouver lui-même M. Saul. Mrs. Clavering, cédant aux instances de son mari, avait consenti à se charger de l'affaire. Le plan avait été dûment discuté et mûri, et le moment de l'exécuter était arrivé. M. Saul reçut donc ce courbier. « Cher M. Saul, si vous êtes libre, voulez-vous venir me trouver demain à 11 heures ? Tout à vous, Marie Clavering. » M. Saul fit dire qu'il viendrait. Le lendemain, après le déjeuner, le recteur et Harry sortirent pour faire un tour dans le parc et faire connaissance avec leur propriété, tandis que Mary Fielding, avec Fanny et Florence, se retirèrent au premier étage pour qu'on ne les vît pas du tout. Toutes savaient ce qui allait se passer et Fanny se conduisait comme une blanche brebis parée de rubans roses pour le sacrifice. « Je ne crois pas que jamais jeune fille se soit trouvée dans cette situation, » dit-elle à sa sœur. « Bien des jeunes filles voudraient se trouver dans la même position, » répliqua Miss Fielding. « Le croyez-vous vraiment? C'est tout de même humiliant de penser qu'on va le prier de me prendre pour sa femme. « Allons donc, vous ne le pensez pas, » lui dit sa sœur. M. Saul fut aussi ponctuel que l'horloge de l'église qu'il réglait lui-même et fut introduit dans la salle à manger du presbytère où il trouva Mrs. Clavering. Il était, comme toujours, sérieux, grave, mal vêtu et pourtant avait l'air d'un gentleman. Il avait naturellement supposé que le recteur allait changer quelque chose à sa manière de vivre, et il n'était pas surpris qu'on le mandât au presbytère. Mais ce qui l'étonnait, c'était que l'invitation à s'y rendre lui fût venue de Mrs. Clavering. Il fallait que le recteur lui conservât une rancune bien forte pour refuser de le voir pour affaire. « Il me semble qu'il y a bien longtemps que nous ne vous avons vu ici, Monsieur Saul, » lui dit Mrs. Clavering. « C'est vrai. Et quand je pense que je venais souvent ici autrefois, cette absence me paraît longue et bien étrange. J'en ai beaucoup souffert. Et moi aussi, Mrs. Clavering. Mais dans la circonstance, on ne peut faire guère autrement. La prudence le voulait ainsi, n'est-ce pas, Monsieur Saul ? Je vous répondrai conformément à ma pensée. À mon point de vue, la prudence n'exigeait pas qu'on agît comme on l'a fait. Mais il y a diverses manières d'apprécier ce que la prudence exige, et je ne veux pas, Mrs. Clavering, discuter avec vous là-dessus. » Mrs. Clavering avait mal débuté et elle le sentait. Elle n'aurait pas dû parler du passé. « J'espère, dit-elle, que nous n'aurons plus ni discussion ni querelle. Je n'en provoquerai aucune de mon côté, mais il ne faut pas supposer pour cela que je renonce à mes prétentions. Un mot de votre fille m'y ferait renoncer. » Mais de la part de personne autre, jamais. Elle devrait être bien fière d'un attachement aussi constant, M. Saul, et je suis sûr qu'elle en est fière, en effet. M. Saul ne la comprit guère et ne répondit pas. « Je ne sais pas, reprit-elle, si vous avez appris que M. Clavering veut renoncer aux bénéfices. Je n'en savais rien, mais je le regardais comme probable. Il y est décidé. Il ne pouvait le garder sans négliger ses devoirs de recteur ou sa propriété. » M. Saul se demanda peut-être s'il était possible que le recteur négligeât plus ses devoirs qu'il ne le faisait depuis des années. « Il désire, continua-t-elle, qu'on lui permette de célébrer quelquefois l'office, mais il renonce aux bénéfices. « Je suppose que cela ne changera pas grand-chose à ma situation, pendant le peu de temps que je dois rester encore. Nous croyons le contraire, nous l'espérons, du moins. M. Clavering vous prie d'accepter le bénéfice. » D'accepter le bénéfice ? M. Saul lui-même eut un instant de surprise. « Oui, M. Saul. D'être le recteur de Clavering, si vous n'y voyez aucune objection. C'est une offre généreuse, et aussi étrange qu'elle est généreuse, à moins que... » En ce moment, la vérité commence à se faire jour dans l'esprit de M. Saul. « M. Clavering vous aurait sans doute fait cette offre lui-même, mais je puis mieux que lui vous parler de notre chère Fanny. » « Vous n'avez pas approuvé notre prudence. Cependant, il était naturel que nous fussions opposés à ce mariage, quand vous n'aviez pas de quoi vivre, bien que nous n'eussions que de l'estime pour vous personnellement. Maintenant, ni M. Clavering ni moi ne faisons plus aucun obstacle à vos vœux. Je suis d'avis qu'on doit laisser l'enfant consulter son cœur et suivre son inclination, pourvu qu'en le faisant, elle ne se prépare pas une vie de pauvreté et de misère et pourvu que l'homme choisi par elle soit respectable. Une vie pauvre n'est pas nécessairement une vie de misère, reprit M. Saul avec cette obstination qui lui était propre. Je suis très pauvre et pourtant je ne suis pas misérable. Si la pauvreté est un malheur à vos yeux, pourquoi enseignons-nous le contraire? En tout cas, une certaine aisance est désirable. Ce n'est pas mon avis. En entendant cette dernière parole, Mrs. Clavering ne put s'empêcher de trouver singulier le goût qu'avait sa fille pour M. Saul. Mais il était désormais trop tard pour revenir sur ce qui était fait. « Vous ne refuserez pas le bénéfice, puisqu'il sera accompagné de celle que vous désirez, dites-vous. »« Non, je ne refuserai pas. » Puisse Dieu lui donner, à elle et à moi, la grâce de jouir des richesses de ce monde, de telle façon qu'elle ne soit pas pour nous un écueil ni une pierre d'achoppement. Après tout, le chameau peut passer par le trou de l'aiguille. Ce n'est pas impossible. Votre position, vous le savez, n'offrira pas d'immenses ressources. Elles le seront pour moi, qui n'ai eu jusqu'ici que le nécessaire. Veuillez dire à votre mari que j'accepte et que je m'efforcerai de ne pas tromper sa confiance. C'est bien de la bonté à lui de me donner sa fille. Elle sera l'os de mes os, la chair de ma chair. Avec la grâce de Dieu, je veillerai sur elle pour qu'il ne lui arrive aucun mal. Je l'aimerai comme la prunelle de mes yeux, et je vous ai une infinie reconnaissance pour le présent que vous me faites. Je suis sûr que vous l'aimez, Monsieur Saul. Mais, continua-t-il, l'autre charge qu'il me confie est encore plus importante et demande encore plus de soins et de tendresse. Je me regarderai comme ayant charge des âmes de toute la paroisse, comme tenu d'en rendre compte devant Dieu. Je travaillerai à leur salut. J'y travaillerai, et elle m'aidera à remplir ce devoir. Quand Mrs. Clavering raconta cette scène à son mari, il secoua la tête et eut un sourire mélancolique. « Tout cela est bel et bien, dit-il pour le moment, mais il se refroidira, comme les autres, quand il aura 4 ou 5 enfants autour de lui. » Telles étaient les prévisions que l'expérience du vieux recteur lui faisait exprimer sur la piété fervente de son jeune confrère. Mrs. Clavering demanda à M. Saul s'il tenait à voir Fanny, au moment où il allait se retirer. « Assurément, dit-il, si elle consent à me voir. Je ne vous promets rien, mais je vais m'en informer. » Elle monta au premier et envoya au salon la victime destinée au sacrifice. « Si c'est votre avis, maman, je le verrai. » « Oui, ma chère, cela vaut mieux. Cela vous mettra à l'aise pour l'avenir. » Elle passa donc dans le salon où l'on fit entrer M. Saul. On devine ce qui se passa. Peu de mes lectrices environ à Fanny son amoureux. Mais il faut se rappeler que l'amour est le maître de tout, et M. Saul avait bien mérité la bonne fortune qui lui arrivait. Il fallut longtemps au recteur pour s'habituer au nouveau recteur et à son nouveau gendre. Sa femme avait pris si chaudement le parti de M. Saul qu'il dut renoncer à exprimer devant elle son étonnement au sujet du choix de Fanny. Mais avec Harry, il se gênait moins et de temps en temps il lui disait « Maintenant que c'est fait, il n'y a rien à dire. C'est un bon jeune homme, plein de zèle au service de la paroisse. Je me suis toujours félicité d'avoir un pareil assistant. Mais sur mon honneur, je ne comprends pas que Fanny l'ait choisi. Cela me passe, vraiment. Elle a été séduite par le côté religieux de son caractère. Sans doute. Et je suis heureux de l'avoir dans de pareils sentiments. La religion est la chose à laquelle il faut penser avant tout. Mais quand on songe aux manières de M. Saul, on ne saurait nier qu'il soit gentleman. Oui, c'est un gentleman. Dieu me garde de dire le contraire, surtout à présent qu'il va épouser votre sœur. Mais je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, voulez-vous dire qu'il n'est pas tout à fait de notre milieu? Comment diable a-t-elle pu en venir à l'aimer? On ne discute pas sur les goûts, mon père. Après tout, puisqu'il doit avoir le bénéfice, il n'y aura pas lieu de rien regretter. Non, sans doute. Et je suppose qu'il dînera de temps en temps au château avec nous. Quand il venait au presbytère, je n'en pouvais rien faire. J'espère qu'il changera un peu. Une fois marié, il en viendra boire un verre de vin, tout comme un autre, chère Fanny. J'espère qu'il la rendra heureuse. C'est là tout ce que je désire. Harry se porta garant pour M. Saul sur ce point. Puis ils changèrent de sujet de conversation et se mirent à discuter les meilleurs moyens pour conserver les faisans dans le parc. M. Saul et Fanny eurent une longue entrevue. Quand elle fut finie, M. Saul se rendit à son ouvrage sans dire un mot à personne dans la maison, et Fanny remonta aussi vite qu'elle put dans sa chambre à coucher. Elle ne dit ni à sa mère, ni à sa sœur, ni à Florence ce qui s'était passé durant cette entrevue. Mais quand elles la revirent, elle était grave et silencieuse. Quand son père la félicita avec toute la cordialité qu'il lui était possible de témoigner, elle l'embrassa en le remerciant de sa bonté pour elle, mais elle lui parla même à lui d'un ton presque solennel. Avec sa sœur, Mary Fielding, Fanny parla peu de son prochain mariage. Mais avec Florence, dont la situation était pareille à la sienne, elle causa souvent de la frayeur que lui causait l'acte sérieux et solennel qu'elle allait faire. Vivement impressionnée par les graves avis de M. Saul, elle craignait presque de mal faire en se mariant, et Florence la plaisantait sur ses scrupules et ses appréhensions. « La chose est trop sérieuse pour en rire, » reprenait Fanny, mais Florence espérait que la gravité de M. Saul se détendrait un peu et que ses idées deviendraient plus pratiques. Peu après, Florence retourna à Stratton pour y passer avec ses parents les derniers jours de liberté qui lui restaient et pour y faire ses préparatifs. Cela l'occupa tellement qu'elle n'eut pas beaucoup de temps à donner aux graves méditations qui occupaient si fort l'esprit de Fanny. Tous les Burton et surtout Cecilia comprirent qu'en fait de toilette, il fallait sortir des limites où ils s'étaient enfermés jusque-là, du moment que Florence allait épouser le fils unique et l'héritier d'un baronnet. La vieille Mrs. Burton était presque épouvantée à la pensée du déjeuner de noces où figurait Harry Clavering. Elle s'empressa de demander sa belle-fille de Ramsgate pour l'aider, et elle sentit que toute l'expérience amassée dans les déjeuners de noces de toutes ses autres filles lui suffirait à peine pour se tirer avec honneur de la grande épreuve qui se préparait. Les deux sœurs Hermione et Julie étaient encore à Clavering Park quand Harry partit avec son père et Fanny pour Stratton. Mais elles partirent le lendemain. Le père et le fils allèrent leur dire adieu la veille de leur départ et les prièrent notamment de continuer à regarder les Clavering comme leurs meilleurs parents et amis. Hermione, en entendant ces mots, se mit à pleurer et versa un tel torrent de larmes que sa robe de deuil en paraissait inondée. Jusqu'à présent, elle n'avait pu faire autre chose que de pleurer, bien qu'insensiblement elle commença à préférer sa vie nouvelle. Lady Ongar rassura M. Clavering qu'elle accepterait toujours avec plaisir son amitié. « Vous viendrez nous voir, » lui dit-il. « Certainement, » reprit-elle, « si je puis décider Hermione à m'accompagner. L'été la trouvera un peu consolée, mais nous avons le temps d'y penser. » Elle paraissait tout à fait gaie et fit ses adieux à Harry avec toute la franche affection d'une ancienne amie. « J'ai quitté ma maison dans Bolton Street, » lui dit-elle. « Et où pensez-vous demeurer ?»« N'importe où, là où il plaira à Hermione d'aller. Pour le moment, nous allons à Tenby, et bien que cet endroit n'ait pas plus de charme qu'aucun autre, nous y resterons probablement une fois que nous y serons. Nous sommes indifférentes à ce point, nous autres vieilles femmes. Adieu, Harry. Adieu, Julie. J'espère vous voir heureuse avant peu, vous et Hermione. Quant à être heureuse, je n'en sais rien, dit-elle. On rêve quelquefois le bonheur, comme vous maintenant. Dans tous les cas, vous n'entendrez jamais dire que je sois abattue. La pauvre Hermione pourra quelquefois assombrir mes pensées, mais je lutterai contre cela. Harry, dites à votre femme que je lui écrirai de temps en temps, une fois par an peut-être. Prévenez-la, afin qu'elle ne soit pas effrayée. Adieu, Harry. Adieu, Julie. Et ils se séparèrent. Aussitôt arrivée à Tenby, Lady Ongar fit connaître à son avoué, M. Turnbull, son intention de céder à la famille Corton non seulement Ongar Park, mais aussi tout son revenu à l'exception de 800 livres par an, afin d'être sur le même pied que sa sœur. M. Turnbull accourut à Tenby et eut maintes entrevues avec la comtesse. Les Corton acceptèrent le parc, mais refusèrent l'argent. Le frère survivant de Lord Ongar rassura Julie que personne ne mettait en doute le droit qu'elle avait à son ouaire et ne consentirait à l'accepter. « En ce cas, dit-elle, j'accumulerai mes revenus et j'en disposerai à ma volonté par testament. Vous êtes libre de le faire, » lui dit son beau-frère, qui était allé la trouver à Tenby. La démarche de la pauvre veuve eut un heureux résultat. Il s'établit peu à peu des rapports de bienveillance d'abord et ensuite d'intimité entre elle et les parents de son défunt mari. Maintenant, mon histoire est finie. Mes lecteurs devineront sans peine ce que fut la vie de Harry Clavering et de sa femme après leur voyage sur le continent et la naissance d'un héritier, événement qui les obligea d'abréger leur voyage. Le père de Harry lui céda tous ses droits de chasse, tous les revenus de la ferme attenant au château, et plus tard l'administration du domaine tout entier. Sir Harry prêcha de temps en temps, s'imaginant qu'il prêchait plus souvent qu'il ne le faisait en réalité, et à peu près chaque dimanche il célébrait une petite partie de l'office du matin. Cecilia Burton dit un jour à son mari que la Providence avait traité très favorablement Florence. « Ajoutez, répondit-elle, qu'elle a été bien bonne aussi pour Harry Clavering, car la Providence se serait bien trompée si elle avait cru que ce garçon-là serait jamais gagné son pain. » Ainsi s'achève la famille Clavering par Anthony Trollope.